garden party, oh. Jenny en le bel moon, qui mette plus belle wop. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mais tout le monde non savait qu'il y a dans joli petit pays. Nous en soleil, la caméra, mais la pluie à café, ça fait. Wabli, c'est long, qu'on joue sans fin. Les couilles vini, ils veulent planer dans la neige. Qui te rive colino, mais il cabaye la voile, c'est un lot qui a pas fait. L'autre jour, il bat femme lion, dit si si pour mijoter, elle est arrivée. Ah, ça demande si femme la pas fait, bref. Pas tout les déclarer colino, si si ça piti. Elle m'a dit, il finit encore plus piti. Les ite kawati, deuxième, ouais, il rétrécit. Et puis les mangoutes, il bat t'arrêter pour nous manger, yeah. C'est où cette pique à tomber? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mais oui, non. Où j'avais Vivine, c'est anti-fille. Qui n'y anti-fille. Mais bon, j'ai baillé encore. Même femme gagade. Il toujours qu'à saper ou péké. Y'a pour ni carré. Les demoiselles en l'air. La tête pas capoté. Hein? Pour tout le monde constater, ça y crie capital, c'est parti, ça fait c'est pas joué. Mais on va bien tomber, il t'est obligé de ramasser du nom pas résister. Et capital vient libérer, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Côté. Bye-bye.